Fou de trouvaille. C'est fou. 89.1. Le plan d'aujourd'hui, assemblage requis. Laurent Constantin et Marie-Laurence Audet nous présenteront leurs chroniques respectives. Et de son côté, Stéphanie nous offrira MasterChef et le poste d'écoute. Assemblage requis commence maintenant. Le service aux étudiants de l'UQTR vous présente Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Je m'appelle Mathieu Plante. Moi, c'est Stéphanie Paradis. Bonjour, Stéphanie Paradis. Salut, Mathieu Plante. Ça va bien? Très bien, toi? Oui, hey, le vent est puissant. Puissant vent, mais tu sais pas parce que... T'as eu un livre! Mais non, non, j'ai quand même failli arracher la porte de la voiture à mon chum. Ouais. Et, ben il y a un petit papier de... Qui est parti de la porte, là, d'un chocolat que j'ai mangé jadis. Mais j'ai couru après, je l'ai ramassé, je l'ai mis à la poubelle, comme une grande fille. Pas pour le licher. Alors, le papier. Franchement, ça va, je l'ai liché, v'là, jadis, deux semaines, quand j'ai mangé le chocolat qu'il y avait dedans. V'là, jadis ou 11 jours, là, environ. Sous-estime. Ouais, c'est ça. C'est Assemblage requis, donc on va se dire un petit peu le plan de l'émission d'aujourd'hui. On va avoir à 8h Marie-Laurence Audet et la chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Mais oui. C'est une journée spéciale. C'est pas ce jour-là qu'on l'a fait d'habitude. Là, c'est vrai cette fois-ci. Enfin, j'ai dit ça, puis c'était pas vrai. C'était sa vraie journée. Mais là, c'est vrai que là, c'est vrai. C'est vrai que c'est pas sa vraie journée. À 8h30, c'est pas sa vraie journée non plus. C'est MasterChef. Non. Ouais. On mange des affaires. On fait ça le mercredi. Ouais, mais on mange quand même à tous les jours. Fait. C'est vrai qu'on mange la plupart des jours les humains. Sauf que là, on va mettre une chanson thème avant de manger. C'est vrai. À 9h, tu vas nous faire le poste d'écoute. Oui. Avec une nouveauté musicale. Ça, c'était à bonne place. On dirait que je t'apprends des choses. Ouais, me semble bien. Oui, j'ai amené une CD, là. Mais on va débuter l'émission avec Laurent Constantin, qu'on accueille à l'instantin. Oh! On l'a jamais fait en 2 ans, celle-là! Déchiffrons le corps, ça. I used to own this town. Now it's all turned upside down. I wish I could figure out. Do you think it's just a phase I'm going through? Just a phase I'm going through. C'est Déchiffrons le campus, la chronique sur l'actualité du campus en compagnie de Laurent Constantin, journaliste d'enquête professionnelle. Tout à fait. Si on veut. Oui. Oui. Aujourd'hui, un autre sujet controversé. Je n'ai aucune idée de quoi tu parles, fait que j'amène ça comme si c'était tout le temps controversé ou vraiment un gros sujet. Là. J'ai aucune idée de ce que c'est. Tout à fait controversé. C'est controversé. Je vous avais dit la semaine dernière que je ferais un retour sur l'Assemblée générale. Qui a eu lieu mardi le 11. Mm-hmm. Donc, de toute façon, les auditeurs viennent de l'entendre s'ils écoutent déjà depuis une trentaine de minutes. Pour ceux qui nous écoutent en direct, ça vient de jouer avant et c'est un hasard total que j'ai fait ça. Mais non, on dit que c'était volontaire. Ah, c'est volontaire, c'est ça, je l'ai mis là pour que vous sachiez de quoi on parle, évidemment. Donc, on parle de cette Assemblée générale, on fait un retour là-dessus, donc on bip, bip. Oui, c'est ça. On recule. Franchement, il est pas si gros que ça. En fait, il est complètement pas du tout gros. J'étais présent à l'Assemblée générale ce mardi, mais pour ceux qui n'étaient pas présents sur le site de l'AGEQTR, donc ageuqtr.org, mm-hmm. il est possible de lire les principales prises de position qu'a pris l'Assemblée générale ce mardi. C'est une bonne idée, ça? Oui. Ben oui. Donc, celle que je vais vous parler aujourd'hui, c'est... La GQTR se positionne contre les tarifs d'encadrement pédagogique des stages chargés par le biais des frais institutionnels obligatoires et qu'elle fasse pression auprès de l'administration de l'UQTR, excusez-moi, pour l'abolition de ces frais. Donc, en gros, ceux qui sont en stage, qui ont des stages obligatoires et même optionnels, ça a été dit obligatoire ou optionnel, se verront un 20 $ de frais par crédit de stage supplémentaire. Oh, Ça peut monter rapidement. Ça peut monter rapidement, justement. C'est justement les fameux FIO. Les FIO, c'est les frais en dehors de nos frais de scolarité, donc qui vont nous être facturés obligatoirement. Donc, on peut pas les retirer de nos frais. Donc, les FIO, autant ça répertorie, ben là, les frais de stage, ça peut aussi parler, ben, les frais du SAE, donc, pour le journal, le Zone Campus. Ouais, mettons. La radio. Ceux-là, on peut les enlever, le GMEQTR, on me l'a dit qu'on peut les enlever. On fait pas partie du service audition. On est, entre autres, commandité, assemblage récupère le service audition, mais ils nous donnent pas de, c'est pas eux, dans le fond, je pense pas. Peut-être que je pars à travers mon chapeau. Là. Ouais, peut-être. Peut-être un peu. C'est pas grave. Parce que je sais qu'on peut enlever la cotisation de ces cousins de campus, ça, je sais. Okay. Il y a aussi, par exemple, les Patriotes. Ça aussi, oui. Il y a aussi les SAE en général, tout plein de frais comme d'administration aussi, frais de photocopie. Il y a beaucoup de trucs comme frais technologiques, beaucoup de FIO que tu dis pourquoi ils ne rassemblent pas ça tout simplement dans les frais de scolarité, tout simplement. Mais c'est souvent une façon un peu camouflée de rajouter de l'argent, même si on dit qu'il y a un gel des frais de scolarité ou du moins une indexation actuellement des frais de scolarité. Ils peuvent toujours un peu rajouter certains montants grâce au FIO, donc frais institutionnels obligatoires. Cette proposition-là, de vouloir les abolir, ça fait suite à l'administration de l'UQTR qui, suite à des compressions budgétaires du gouvernement, doit, elle, renflouer ses coffres et ils se sont dit que ce serait une entrée d'argent supplémentaire. Mm. Donc, depuis le mois d'août déjà, on sait qu'ils veulent partir avec cette mesure-là. Donc, ça se disait comme suit. À compter du trimestre d'hiver 2015, des frais d'encadrement pédagogique seront exigés pour tous les étudiants inscrits à un stage. Le tarif est fixé à 20 $ par crédit, donc 60 $ pour un stage de 3 crédits. Et ce, pour toutes les activités de stage obligatoires ou optionnelles, du premier au troisième cycle. Les stages répondent à des besoins de formation pratique dans un grand nombre de programmes. Or, au fil des dernières années, le développement important de la programmation d'études à l'UQTR a impliqué d'importantes ressources, autant humaines que financières, pour répondre à la demande et assurer un encadrement adéquat aux étudiants. Le coût engendré par les stages représente plusieurs millions de dollars annuellement. Donc, je vous ai préparé une petite liste de chacun des programmes qui ont beaucoup de stages chaque année et combien ils vont devoir payer de plus. Donc, on a, par exemple, le bac en enseignement secondaire et le bac en enseignement préscolaire et primaire qui, chacun, ont 19 crédits de stage, ce qui fait environ 380 $ supplémentaires sur leur facture. On a les gens au double bac en mathématiques et enseignement des mathématiques et ceux du baccalauréat en enseignement de l'éducation physique qui, eux, ont 22 crédits de stage, ce qui mène à 440 $. On a les gens de sciences infirmières, 23 crédits, donc 460 $. Celui qui bat tous les records. Est-ce que tu pourrais me dire quel est le programme à l'UQTR qui a le plus de stages? Est-ce que ça a un rapport avec la médecine, probablement? Oui, c'est un des programmes de la santé. Est-ce que c'est Chiro? Chiro est dans ceux qui a le plus, mais je vais pas dire. Non, c'est un petit programme. Un petit programme. Ah, sage-femme. Sage-femme. Donc, pratique sage-femme qui en tout 57 crédits de stage obligatoires. Donc, ça mène la facture à 1140 $ de plus. Le mot crédit n'aura jamais porté aussi bien son nom. Sinon, on a d'autres programmes comme psychoéducation, 12 crédits, donc 240 $. Récréologie, dans le fond... loisirs et tourisme. Merci. 15 crédits, donc 300 $, mais souvent, eux, leur stage est rémunéré. Donc, pour ça, c'est avantageux. Et ingénierie et administration qui ont chacun 6 crédits. Donc, 120 $, mais ce sont des stages optionnels. Ah, OK. Donc, la salopette, par contre, obligatoire. La salopette est obligatoire, tout à fait. Pas de chienne, pas de stage. Donc, ça nous porte à croire que c'est quand même une facture supplémentaire parce qu'on se dit, ben c'est pas tant que ça. Tu sais, je sais pas, un 380 $ répartis sur 4 ans, de stage. Par exemple, moi, je suis issu du bac en enseignement secondaire. 380, c'est pas tant que ça. 380, non, ça avait été par session, ça aurait été beaucoup. Mais c'est qu'en plus, on paye déjà les mêmes frais que tous les autres étudiants pour aller dans ces stages-là. Des stages qui, finalement, on se demande pourquoi on paye pour ça. Parce que on n'a pas tant de... on n'est pas tant supervisé. On va en une session, par exemple, notre dernier stage de 10 crédits qui dure 12 semaines, on va avoir trois rencontres peut-être en classe. On se fait très rapidement. Deux supervisions, donc le prof qui vient nous voir dans notre milieu de stage pendant environ une heure et demie. Donc, est-ce qu'il faut vraiment payer 10 crédits, là, ça revient environ à 1 000 $. Donc, 1 000 $ plus peut-être 100 $, donc 1 100 $ pour se faire dire une petite tape dans le dos, puis tout va bien. Donc, 10 crédits qu'à ton avis, on devrait discréditer. Donc, si tantôt, j'ai pas parlé de chiro et podiatrie, c'est parce que souvent, j'ai pas vraiment su quels sont leurs stages qui sont ici et quels sont leurs stages qui sont plutôt à l'extérieur. Et peut-être que quelqu'un en chiro, podiatrie, un auditeur pourrait m'informer là-dessus. Là, plus tard, c'est sûr, on ne pourra pas faire ça en ligne. On n'ouvrira pas les... la hotline! On n'ouvrira pas le téléphone. À savoir si certains de leurs stages sont rémunérés ou non. Je sais qu'ici, quand ils sont à la clinique, il me semble que non. Il me semble que c'est bénévole parce que c'est de l'apprentissage. Parce que souvent, en effet, un stage, si on n'est pas payé, c'est parce que c'est pas un salaire qu'on devrait recevoir. C'est une compensation financière, ou c'est ça, ou plutôt on paye pour de la connaissance, on paye pour de l'apprentissage, on n'est pas là pour comme travailleur finalement. Donc, à l'époque que je m'impliquais au bac en enseignement au secondaire, jadis, il existait une association officieuse des différents bacs en enseignement qui se nommait la TAB. Donc, la table associative des baccalauréats en enseignement. Puis c'est finalement, si on peut dire, modifié en trait, donc la table ronde en éducation. Ça n'a pas duré très, très longtemps. C'est un joueur Donjons et Dragons toute la journée. Oui, oui, c'est ça. On brassait des dévins et on se disait quelle décision on allait prendre. C'était pas très, très actif longtemps parce que, en plus de nous impliquer chacun dans nos bacs respectifs, ben, il fallait s'impliquer dans une nouvelle structure qui était plus politique, tandis que les autres sont plus socio-culturels. Et notre ligne, c'était pas nécessairement d'avoir des stages payés parce qu'on se dit, on travaille 100%, on a une tâche à 100%. Pourquoi ne pas être payé pour ça? Mais d'au moins obtenir une forme de bourse compensatoire pour au moins notre stage 4, notre stage final. Comme on disait, payer pour 10 crédits pour finalement n'obtenir que 2-3 rencontres, 2 supervisions, ça paraissait insuffisant pour ce qu'on payait. Et une souris verte. Oui, donc on se disait, pourquoi on paye vraiment des crédits pour ça? Ouais. Tandis qu'on n'a pas vraiment le temps d'avoir un autre emploi durant ce temps-là, parce que plus qu'on travaille à l'extérieur de notre stage, plus qu'on a de chances d'échouer ce stage-là. Et en même temps, on vit beaucoup de précarité financière, parce qu'on a tout de même un appartement à payer souvent, souvent de voiture aussi, parce que malheureusement, c'est pas tous les milieux de stage qui sont accessibles en transport en commun. Et avoir un stage à Sainte-Geneviève-de-Batican ou à Nicolet, c'est pas tout le temps facile à se rendre en autobus. Donc, on se disait peut-être une bourse compensatoire pour un peu pouvoir payer ces choses essentielles à la vie. Et, ben, comble de bonheur, comble de coïncidence, la FEUC, donc la Fédération étudiante universitaire du Québec, a déposé, ou du moins veut déposer, une pétition à l'Assemblée nationale dans les prochaines semaines, parlant justement de ces compensations financières-là pour les stages. Donc, je vais vous la lire. Considérant que les étudiants dans les programmes universitaires de premier cycle en éducation doivent effectuer plusieurs stages obligatoires en milieu de travail pour obtenir leur diplôme, considérant qu'à l'heure actuelle, ces stages ne sont ni compensés ni rémunérés, considérant que dans une enquête réalisée par Sine Marketing en 2007, les étudiants en éducation affirmaient consacrer 60,3 heures de leur temps par semaine à leur stage, considérant que d'après cette même enquête, les étudiants s'endettent de 2 000 $ supplémentaires pendant leur stage, puisque la majorité d'entre eux ne peut maintenir un second emploi à temps partiel, considérant que au vu des résultats de l'enquête, la situation financière des étudiants est de plus en plus précaire lors de la réalisation de leur stage, Considérant que la majorité des étudiants n'ont pas accès au programme de prise et bourse du gouvernement, certaines universités ne reconnaissant même pas le stage comme une charge de temps plein, une charge à temps plein, considérant qu'un stage ne devrait pas être une épreuve ou un problème financier pour un étudiant, mais bien une partie de sa formation sur le terrain, considérant l'importance de la profession d'enseignant dans la société au Québec et l'importance de former la relève des enseignants, nous, soussignés, demandons au gouvernement du Québec de prendre les mesures nécessaires afin d'octroyer une compensation financière à tous les étudiants des programmes d'éducation en situation de stage obligatoire. Hmm. Donc, finalement, ça viendrait peut-être compenser le fait qu'on paye autant de crédits, finalement, pour si peu d'encadrement. En plus, là, qu'on veut nous faire payer des frais institutionnels obligatoires supplémentaires pour ces stages-là. Et même Radio-Canada est venu ici faire un petit vox pop à la cafétéria. Ah, et oui. C'est à peu près unanime que pourquoi payer plus pour un service qu'on trouve qui est un peu... maigre, si on peut dire. On trouve pas qu'on est si bien encadré. Alors, pourquoi nous donner des frais d'encadrement? Est-ce que les services vont être meilleurs? J'en doute. On paye plus de frais de scolarité depuis 2 ans. Finalement, c'est l'université qui coupe, alors que nous, on paye plus. Mm-hmm. Ça nous laisse un peu perplexes, les étudiants. Et c'est bien normal. Eh oui. Ouais. Donc, moi, j'en retiens. Considérant Constantin, nouveau slogan. Considérant Constantin, comme franchement Martineau, ça pourrait être pas pire. C'est ça. Et Constantin institutionnel, les frais Constantin institutionnels. C'est ce que je me suis retenu de dire. Oh boy. Tu surpasses, Mathieu. Merci. sujet qu'on va encore suivre. Oui. J'imagine, s'il y a des développements là-dedans. Donc, les chiffons campus, on fait ça les jeudis matin à 7h30 avec lui-même. Il est là, Laurent Constantin, avec ses nombreux slogans que je lui force dans la gorge. Bien, merci beaucoup, Mathieu Plante. Merci. Merci, Stéphanie Paradis. Plaisir. Bonne journée. Salut, Stéphanie Paradis. Bonne journée à toi aussi. Vous êtes toujours à Assemblage Requis. Il est 7h52 en ce moment-là. Et on n'a pas encore entendu de musique de l'émission d'aujourd'hui. Donc, allons-y avec un petit peu de Salomé Leclerc. Ça fait un bout qu'on se l'est pas mis dans l'oreille. Ça me semble être ça la dernière fois. Ouais, c'est vrai, ben ça, on passe plusieurs semaines entre deux diffusions. Salomé. De entre ouais, la Salomé, je la connais à peine. Tu cours. Pardon. Je cours aussi. Comme si des loups pointaient nos vies. Tu t'en. Get them all calls affaiblis. Salut Éclair et la pièce Arlon à Assemblage requis. Nous allons être de retour dans quelques instants. C'était facile. Ouais, un peu trop facile, on l'a fait. On fait des variantes de ces blagues-là à chaque fois, puis c'est pas meilleur. Au retour, Marie-Laurence Audet et sa chronique Le loisir bien plus qu'un jeu. Et plus tard, Master Steph et le poste d'écoute. Une mission bien remplie de tout sauf moi. Ça va faire du bien. Ça va faire du bien. Ça va faire changement. Restez là. Fou d'exotisme. C'est fou. 89.1. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Bonjour, vous êtes toujours à Assemblage requis. On est jeudi matin, on est le 13 novembre 2014. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plan. Oui. On reçoit enfin Marie-Laurence Audet. Elle était pas là hier, mais là, elle est là. Oui. Elle est là, on va profiter d'elle pendant le, tout le temps qu'on peut. Reste ton linge. Hey boy! Ça, c'est Steph qui la demande, c'est pas moi, j'ai rien dit. non, c'est déplacé, là! Ouais, tu t'es pas stiné, par exemple. Non, c'est ça. est-ce que je peux faire un jeu de moi avec un sifflet et un entre-jean? On va siffler sur sifflet. Voici le loisir bien plus qu'un jeu. Hein? On a pas besoin de siffler des fois, on a pas besoin de siffler. Ça, c'est de l'air qui sort. C'est de l'air qui sort. Ouais, quand tu squeezes les... C'est le loisir bien plus qu'un jeu avec Marie-Laurence Audet. Oui, désolé bon matin. Désolé de commencer ça de même. Oui, bon matin à toi. C'était déplacé. Ça te tente toujours de rester? Ben, pas le choix. Ton autobus t'attend, comme hier, tu vas pouvoir retourner dans l'autobus en congrès, je sais pas trop où. Aujourd'hui, on parle de l'évolution du bénévolat depuis 10 ans. Oui, en fait, c'est qu'il y a eu une étude qui a été faite il y a 10 ans, puis là, on a comme la deuxième étude. OK. La même étude a été faite il y a 10 ans, puis a été faite maintenant. Pour comparer. Puis ils ont comparé les résultats. Okay. Ce qui est le fun sur une période comme ça, c'est qu'on a pu avoir les mêmes acteurs, les mêmes organisations qui ont participé. Tu sais, c'est pas 50 ans de différence qui fait en sorte que les directions sont plus là. Mm-hmm. Puis c'est le fun aussi parce que c'est plus rare dans un domaine terrain comme le nôtre qu'on fait des études à grande échelle. D'une durée aussi longue. Ouais. Tu sais, parce que souvent, on est porté à vouloir éteindre les feux, à vouloir tout de suite trouver des solutions et tout. Puis une étude de longue haleine comme ça nous permet des résultats intéressants qu'on est surtout porté à voir dans le domaine des sciences pures. Tu sais, des fois, là, des produits chimiques ou n'importe quoi. Mais là, d'avoir dans les domaines des sciences humaines une étude à aussi longue durée, c'est intéressant. Cool. Alors aujourd'hui, ça porte sur le bénévolat en loisirs et en sport, une étude comparative des résultats de 2001 et 2011. Donc le même questionnaire a été utilisé auprès des mêmes organisations. Certains qui ont peut-être des bénévoles qui sont plus les mêmes, quoique souvent ils restent une couple d'années. C'est l'histoire d'une vie, ça, le bénévolat. Oui, donc c'est une étude qui a été menée par le laboratoire en loisirs et vie communautaire, puis que le questionnaire, qui est un questionnaire en ligne, a rejoint 1146 bénévoles et 342 professionnels en loisirs. Donc, c'est pas rien. Et pourquoi on voulait rejoindre ces deux clientèles-là? C'est qu'on voulait savoir la réalité et les besoins du bénévole, mais on voulait comprendre aussi, pour le professionnel qui les encadre, qui les recrute, c'est quoi, lui, sa perception du bénévolat? Parce que des fois, le bénévole a une attente, le professionnel en a une autre, puis au final, il comble même pas. Parce qu'ils sont même pas sur la même longueur d'onde. Donc, on voulait voir aussi cet aspect-là. Puis le fait d'avoir ce nombre de bénévoles et de professionnels-là qui a été calculé est un échantillon représentatif de l'ensemble de la population québécoise et de l'ensemble des régions parce qu'ils sont allés chercher des bénévoles dans chacune des régions. Donc autant la Côte-Nord que Montréal, autant que l'Abitibi, que Laval, que la Montérégie, c'est pas juste centré sur une seule région. Donc voilà. Et ils ont pris aussi beaucoup l'aspect recherche là, en réseau, ils appellent ça boule de neige, c'est qu'ils ont contacté des grosses organisations qui, eux, ont contacté leurs petites organisations qui, eux, ont contacté leurs bénévoles. Donc, le questionnaire s'est passé vraiment à grande échelle. Pyramidal, comme on pourrait dire. On peut dire ça de même aussi à la recherche. Je dis sûrement ça quelque part. Là, on va citer Plante 2014. Donc, les éléments qui sont ressortis sur le bénévolat, tout d'abord, concernant le temps. Les gens ont beaucoup moins de temps à consacrer au bénévolat, tu sais, en 10 ans. Sauf que le nombre d'heures de bénévolat est resté constant, est resté le même. Ah. Donc, on remarque que les gens qui donnent du temps en donnent plus. OK. Donc, ceux qu'on appelle les TLM dans le domaine, c'est les toujours les mêmes. C'est ceux qui sont partout dans toutes les organisations, dans toutes les tâches, dans toutes les activités. Mettons toi, là. Mettons. Mettons. Dans le fond, eux, ils donnent plus de temps pour qu'au final, le résultat est le même. Mm. On réussit à fournir pour le même nombre de clientèles, pour le même nombre d'organisations, mais ces gens-là doivent mettre les bouchées doubles parce qu'il y a moins de monde qui peuvent donner du temps. Il y a aussi des gens qu'on appelle les TP. Ça, c'est pas les travaux pratiques ni les travaux publics. C'est les temps partiels. C'est ceux qui vont donner du temps de façon sporadique. C'est ceux qui portent des dentiers. C'est les personnes âgées qui font du bénévolat. Les temps partiels. c'est partiel. Moi, c'est ça. Oui. Donc, ces gens-là donnent du temps sporadiquement. Donc, pour la durée d'un événement. Ils vont avoir des tâches précises. Par exemple, celui qui tient le bord dans un festival. Celui qui est à l'accueil. Celui qui est au vestiaire du bingo. Ce sera pas... sur un conseil d'administration à tous les lundis, toute l'année. Mmh. Donc, ça, on les appelle les temps partiels. Une base irrégulière. Donc, comme on a dit concernant le temps, il y a autant de temps de données de bénévolat par année environ, mais il y a moins de monde qui en donne. Concernant les motivations qui ressortent, que les gens avaient à classifier dans le questionnaire à savoir c'était quoi leur priorité, il y avait service à la communauté, servir une cause, vivre leur passion, vivre leur loisir, avoir une influence dans le milieu. C'est les mêmes éléments qui ressortent. Ça n'a pas changé. Mais la priorité des choses a changé. Les gens consacrent beaucoup plus leur motivation sur vivre une passion, vivre un loisir. Ils veulent avoir du plaisir quand ils s'impliquent. Contrairement à il y a 10 ans, là, on parle pas d'il y a 50 ans, même si on est plus dans cette évolution-là. Les gens le font plus juste par don de soi, âme charitable, parce que l'Église, pour gagner ton ciel, il faut que tu donnes de ton temps pour une cause. Mais plus parce que j'aime cette tâche-là, parce que j'aime cette cause-là. Donc, les motivations ont... reste semblable, mais la priorité quand les gens les classifient a changé. Okay. Concernant les causes, quand les gens s'impliquent dans une cause, donc ils font beaucoup plus par intérêt personnel, comme je disais tantôt, et non pas juste par don de soi parce qu'il y a une cause dans la communauté où est-ce qu'il faut aider, homme charitable. C'est vraiment, quand il y a une cause, comme par exemple pour le cancer ou autre, les gens vont le faire quand il y a quelqu'un dans leur entourage qui est touché. Tout à fait, oui. Et quand c'est une connaissance autour d'eux qui vient les chercher pour qu'ils s'impliquent dans la cause. Ils sentiraient mal de dire non à ça. Oui, mais c'est surtout que les gens se sentent moins interpellés par les causes médiatisées. Quand à la télé, ils vont dire « Ah, Téléthon, on a besoin de bénévoles et tout. » Oui, ils vont en avoir, qu'ils vont y aller. Les gens vont plus être interpellés si leur voisin dit « Viens-tu avec moi? » On va s'impliquer là-dedans. Puis là, la personne a un frère qui est atteint, un ami qui est atteint. Donc, les gens, c'est vraiment par intérêt personnel et par empathie personnelle qui vont s'impliquer dans des causes communautaires et humanitaires. Ouais. Contrairement à, mettons, Movember, quand c'est tellement facile de juste se faire pousser la moustache. Et où ta moustache, toi? Ouais, c'est ça, j'ai pas pensé à ça partout. J'ai oublié un matin. J'ai oublié. Voilà. Ça, j'ai oublié. Ça reprendra demain. Ben oui. Concernant le recrutement des bénévoles, là, c'était vraiment intéressant parce qu'il y avait une comparaison entre la perception que les professionnels en loisirs ont concernant le recrutement et concernant les bénévoles, leur attente là-dedans. Et c'est pas pantoute la même chose. Donc, les bénévoles sont beaucoup plus axés sur la tâche et l'ambiance qu'ils vont aller chercher dans une organisation. Alors, il disait aux professionnels en loisirs, comment recruter un bénévole en quelques étapes faciles? Ce serait probablement de faire une démarche personnalisée. D'arrêter de faire un message at large qui dit « Besoin de 500 bénévoles, venez nous aider. » Mais plus du « t'appelles les personnes, t'appelles les gens que tu connais. Mm. » C'est pas juste un sondage téléphonique que les gens raccrochent. Là. T'appelles les gens que tu connais, tu leur en parles. Eux en parlent aux gens qu'ils connaissent. Et ça, ces démarches personnalisées-là, d'aller rencontrer les gens dans des écoles ou autres pour leur dire « Veux-tu m'aider? » est beaucoup plus gagnant qu'un message sur Facebook entre deux messages. Tout à fait. Ensuite, c'est ça, les réseaux de contact. Il a beaucoup axé sur l'ambiance et la tâche que les gens allaient aller chercher. Pas juste « on a besoin d'aide », c'est « venez vivre une expérience en vous impliquant avec nous, venez prendre part aux décisions ». C'est de donner aux bénévoles une place qu'ils viennent chercher. C'est de prendre en considération aussi le temps disponible des gens. Quand les gens disent « ouais, mais je peux pas vraiment m'impliquer, moi j'ai juste une heure de disponible », même si tu aurais eu besoin de quelqu'un qui en donne quatre, prends-la cette heure-là. C'est bien carré. Prends quatre personnes qui donnent une heure plutôt que de les refuser. Ouais. Parce que peut-être que cette fois-ci, il y a une heure, mais la prochaine fois, il va peut-être avoir 10 heures à te donner. C'est surtout sur la façon d'aller le chercher. Tu ne vas pas chercher un numéro, tu ne vas pas chercher une canne de concert, tu vas chercher un humain qui vient te donner une heure de son temps. Il faut que tu l'apprécies au même titre que celui qui en donne 50. Ouais. Ses motivations, que tu les prennes en considération puis que tu y répondes. Puis, c'est ça, quand ils vont faire du bénévolat avec leurs amis, mais les dons en équipe avec ses amis dans les tâches, même si tu n'as pas besoin de deux personnes à l'accueil, s'ils viennent à deux, ils vont avoir du fun. Pour le faire, ils vont avoir du fun. Ben oui. Là, peut-être que les deux vont dire non parce qu'ils n'auraient pas voulu être à deux postes différents, mais là, tu as une tâche de combler à deux personnes. Tant mieux si les gens ont du plaisir puis qu'ils se jasent pendant qu'il n'y a personne au vestiaire. Tant mieux. Donc, voilà. Ça, c'est concernant le recrutement. Concernant l'accueil, quand la personne arrive dans l'organisation pour la première fois, parce qu'on lui a dit qu'on a besoin de bénévoles, il arrive. Encore une fois, la perception des professionnels et la perception des bénévoles est très différente. Alors que le professionnel en loisir peut tellement informer le nouveau bénévole, puis là, il lui donne des documentations, de documentations, de documentations, de papiers, de... Écoute, la personne repart, puis il y a de la lecture pour toute l'année. Sauf qu'au final, ce que le bénévole est venu chercher, c'est de la discussion avec le professionnel sur la tâche, sur l'ambiance, sur c'est qui les collègues, sur comment ça fonctionne ici. Alors là, les besoins sont pas comblés, puis la personne se sent tout de suite alourdie par la tâche, et des fois, ça peut faire en sorte que la personne ne reviendra même pas. Donc, c'est quand ils ont mentionné ça aux professionnels, les professionnels ont dit oui, mais on n'a pas vraiment le temps de s'asseoir avec la personne. Si on en a 400, si on se met, au lieu de faire une grosse rencontre et distribuer des pamphlets, si on se met à toutes les rencontrer, on n'aura pas le temps. Bon, mais c'est parce que tu n'as peut-être pas le temps, mais sinon, eux, ils n'ont pas le temps de t'en donner. Il n'y a personne qui gagne là, dans l'histoire. Prends ce 10 minutes-là avec chaque personne, tu travailles avec des humains, puis tout le monde va en être gagnant. Pis ce 10 minutes-là va faire en sorte que la personne va revenir toute l'année. À un moment donné, c'est une approche personnalisée. Concernant la reconnaissance des bénévoles, c'est un respect de tous les jours, c'est un soutien adéquat, c'est de donner le matériel qu'il a besoin pour réaliser ses tâches. Des fois, de lui payer une formation pour qu'il soit plus compétent. C'est de lui donner des tâches qu'il est capable de réaliser et que ça lui tente de réaliser. C'est d'avoir une souplesse dans l'horaire quand il dit « je dois partir plus tôt ». Oui, t'es bénévole, tu sais, tu vas être à te faire chicaner. Ouais, ouais. Puis c'est ça, c'est vraiment d'accommoder les besoins puis les contraintes des personnes. Souvent, on est porté à dire « oui, mais il y a un party de bénévoles à la fin de l'année ». C'est là qu'on va le remercier. C'est une fois par année pour la personne qui te donne je sais pas combien d'heures par semaine ou par jour, peu importe. C'est à reconnaître plus précisément. Mais souvent, les gens voient une reconnaissance comme un cadeau, comme une fête. Juste un merci. Juste un, t'as le bulletin de l'organisation qui sort une fois par semaine. Hey, en passant, un merci aux bénévoles. La personne se sent concernée, se sent interpellée, puis elle dit « Hey, j'en ai fait partie, c'est moi. » Fait que les gens oublient de reconnaître à petite échelle, puis ils se disent que la fête des bénévoles, check, c'est bon, je les ai reconnus. C'est pas de même, ça marche. Ils n'ont pas une paye, eux autres, au bout des deux semaines. Donc, de faire attention à la reconnaissance. Puis, les défis qu'ils donnaient pour les professionnels en loisirs pour les prochaines années, c'est d'être plus formé, parce que de gérer des bénévoles, c'est pas comme gérer des employés. Ils ont pas signé un contrat, ils sont pas obligés de rester, puis y a pas de punition au bout de la ligne s'ils font pas leur tâche en disant « ben regarde, tu vas être envoyé, ben regarde, tu vas perdre ton poste, peu importe ». Cette personne-là, là, en plein milieu de la tâche, peut dire « ciao, bye », puis s'en aller, puis y a rien légalement qui la retient, elle te donne de son temps. Donc c'est vraiment d'apprendre à recruter, accueillir, encadrer, former puis reconnaître ces gens-là. Donc ça, c'est un défi que souvent les gestionnaires de ressources humaines n'ont pas cette notion-là de gestion des bénévoles. On est porté sur la gestion des employés, sur la situation des employés. Puis même dans les cours universitaires, il manque cet aspect-là. C'est un élément qui n'est pas tant mentionné. J'ai fait un certificat en gestion des ressources humaines, puis le bénévole, à part m'être fait dire par une prof très bonne que c'était de l'esclavage moderne. Ah, bon, OK. Eh bien, hein, c'est une façon de penser. Non, mais tu sais, c'est en voulant dire, on peut le voir de deux façons. Si tu peux le voir dans une organisation, ben oui, il n'y a pas de paye au bout de ça, puis la personne est sous ta charge, dans le fond, que tu vas lui donner une tâche, puis elle va le faire. Vu de même, c'est de l'esclavage, tu sais, que c'est pas tout ça. C'est un don de soi que la personne est venue choisir de faire par intérêt. Cette personne-là s'épanouit, puis c'est un propre loisir de donner de son temps, puis de s'accomplir là-dedans, de rencontrer des gens, de découvrir des nouvelles tâches. Fait qu'il faut faire attention comment on voit ça. Moi, je trouve ça bizarre. Est-ce que ça veut dire qu'il fallait qu'on profite d'eux autres pour leur faire non, ça le plus possible? Non, au contraire. Okay. Au contraire, en fait. Ce qui ciblait beaucoup l'étude, c'est de dire, avec les années, là, on est porté souvent à avoir un bénévole comme une main-d'œuvre à bon marché. Là. Ouais, cheap labor, comme on l'appelle. Oui, mais c'est de faire attention parce que ce bénévole-là, dans le fond, est plus... Puis là, je vais en parler tantôt. Là, OK, je vais vous en parler tantôt. C'est un punch. OK, spoiler alert. Juste pour continuer dans les défis des professionnels, il y a aussi beaucoup une professionnalisation puis une complexification des tâches qu'on demande aux bénévoles. Des fois, on oublie que la personne, là, elle vient donner de son temps. Je vais vous donner un exemple. Mettons la personne qui adore le baseball. Tu te dis, moi, je vais m'impliquer dans l'association de baseball parce que ce sport-là, j'en raffole, je manque pas un match, tu sais, j'en mange. J'aimerais ça m'impliquer, prendre part aux décisions puis pouvoir aider à l'association qui pourrait pas survivre sans ces bénévoles-là qui s'impliquent. On dirait que tu parles de Mathieu. Ouais. Le baseball. Ouais, je sais que tu tabasses tout le temps, peut-être. Comme les vrais joueurs de baseball. Pareil, ouais. Les graines de tournesol. Pas mais ça. Ah. Fait que la personne adore le baseball, s'implique dans le conseil d'administration et au final, se retrouve avec un poste qui fait en sorte qu'il est tout le jour dans le bureau, qui remplit une demande de subvention pour l'association, qui voit pas un match de l'année, qui est pas en contact avec aucun des, t'sais, avec aucun des joueurs, qui peut pas jaser avec le monde du baseball. Au final, est-ce que cette personne-là a reçu ce qu'elle est allée chercher? Non. Ben, ils ont sûrement mis une balle de baseball qui part dans son bureau. Sûrement la balle d'or. Petit... Ouais, c'est la balle d'or. Mais c'est de... Des fois, on oublie. Y a une... Puis la personne qui s'implique comme trésorier dans une association qui dit « Ah, mais moi, je vais vous aider. » Tu sais, est-ce qu'elle a besoin d'être comptable pour comprendre les livres comptables? Mm. Tu sais, il y a vraiment une professionnalisation des tâches. Puis là, la personne dit « Mais il n'y a personne pour me remplacer. Si je m'en vais, l'association ne fonctionnera plus. » Ça devient une lourdeur, puis ça devient une tâche. C'est plus agréable. Donc, des fois, on oublie. La personne pourrait venir donner de son temps, une fois par semaine, mettons, remplir les papiers nécessaires, mais tu lui donnes des matchs gratuits que, tu sais, quasiment, va assister au match. Bon, ben oui. Oui, mais on trouve ça évident, mais c'est pas ça qui se passe. C'est ça, l'affaire, ils sont pas beaucoup, ils donnent plus de temps, et on oublie l'essence même du choix qu'ils sont venus donner. Donc, concernant les défis des professionnels, c'est de faire attention à ça. Puis, si je reviens un peu au punch de tantôt, on a vu qu'il y avait... bénévolat nouveau, approche nouvelle, qu'il y avait beaucoup d'informalités dans l'engagement. Les gens ont plus de difficultés, contrairement à il y a 10 ans, à dire « Moi, je vais être disponible tous les lundis. » Tu sais, sont plus « T'as besoin de cette date-là? C'est beau, je le mets à mon agenda, je vais être là. » On a une difficulté à les avoir sur du long terme, sur du temps régulier. Aussi, les bénévoles demandent à prendre part aux décisions, à avoir un plus gros engagement sur l'impact de leur tâche. Donc, ils disent, tant qu'à m'impliquer, je veux faire changer les choses, je veux faire avancer les choses. Les gens veulent voir un résultat, pas juste faire partie de la roue à grande échelle, là. Ils veulent voir un résultat au bout de leur travail. Puis, comme je disais tantôt, là, au lieu de voir le bénévole comme une main-d'œuvre à bon marché, puis un cheap labor, puis tout, c'est de voir le bénévole comme un partenaire, comme un commanditaire, comme un... Il vient nous aider, on travaille en collaboration, on a chacun des tâches différentes dans l'organisation. Mais prends-le donc en considération. Il fait partie de ton équipe. S'il n'était pas là, il manquerait un élément pour que la roue fonctionne. C'est comme, il est aussi important que ton oncle, Uncle Ben Evol. Uncle Ben. Uncle Ben, du riz. On la rit pas. Puis pour que le professionnel en loisir qui a à vivre tous ces changements-là, toutes ces adaptations-là concernant les bénévoles sous sa charge, ça prend des organisations et des directions d'organisations qui sont ouvertes d'esprit, qui sont aussi ouverts à soutenir le professionnel dans ces changements-là. Si ça nécessite des ressources économiques, ça nécessite des ressources financières, matérielles, des locaux de plus, de la formation, qu'ils soient ouverts à ça dans leur vision stratégique de l'organisation puis de l'entreprise pour qu'on puisse continuer de garder nos bénévoles avec nous. Concernant, finalement, l'avenir du bénévolat en loisirs, donc en 2001, quand ils ont fait l'étude, il y avait 500 000 bénévoles en loisirs au Québec. En 2011, 590 000. Il y a eu une augmentation constante légère. Et légère augmentation. Puis on remarque que le secteur du bénévolat a de la difficulté parce que les gens en conciliation travail-famille, mais le bénévolat en loisir, c'est pas là que c'est affecté. C'est d'autres types de bénévolat dans la communauté pour des causes ou autres. Mais le bénévolat en loisir, c'est là où il y a le plus de bénévoles parce qu'on remarque que c'est aussi le propre loisir de certaines personnes d'aller s'impliquer dans ces éléments-là. C'est plus facile d'aller chercher des bénévoles pour s'impliquer dans un événement, dans un spectacle de musique, que peut-être dans un hôpital ou autre. Ouais. Donc, c'est pas le bénévolat en loisir qui souffre de ce manque de bénévolat. Reste qu'il faut faire attention à eux parce que tu les prends pas pour acquis. Si tu les prends pour acquis puis tes pères, le domaine du loisir tombe. Tu peux pas continuer sans tous ces bénévoles-là qui sont des piliers. Puis, aussi, ce qui est intéressant, c'est le bénévolat en loisir, comment il était perçu par les bénévoles, c'est une expérience de qualité, alors que pour les professionnels en loisir, c'est une efficacité. Ça permet de faire rouler la roue plus vite et mieux, d'avoir autant de monde qui mettent la main à la pâte. Et finalement, on l'a vu que le bénévolat y aidait au développement des communautés. On l'a vu tous les bienfaits qu'il y avait. Donc, je répète que pour certains, de faire du bénévolat, c'est un loisir. Donc, c'est pas oublié de répondre à leurs besoins autant qu'on voudrait faire quand on offre une programmation d'activité ou autre pour des clients. Mais c'est la même chose pour le bénévolat. C'est de savoir les encadrer, mais de répondre à leurs besoins et à leurs attentes. Alors, voilà. Voilà. Ta chronique, Marie-Laurence, oui. Elle était très bien. Très, très bien. Ou comme on dirait en italien, Molto bénévole. Molto bénévole. C'est l'italien. Sacré italien. Italien. Il y a tellement rien à faire. Hey, j'ai juste cherché le mot molto bene. Je savais que ça disait déjà. J'ai cherché tout, tu es allé chercher la traduction. C'est le premier lien. J'ai trouvé un mot. C'est le premier lien sur reverso.net. Là. Et la technologie plante 2014. La technologie plante. Ah, ouais, tout le temps. 2014. C'est en train de planter ça. mais vraiment très bien. Très bonne chronique sur le bénévolat. Marie-Laurence Audet. On te retrouve dans ta case normale. C'est quoi déjà? Je m'en souviens plus. Je sais pas, ça change à chaque semaine. C'est genre les mercredis à genre 8h. C'est genre quand il n'y a pas d'imprévu. Style comme genre, on n'est pas dans un autobus lors d'un congrès. Hein? Donc mercredi 8h30. 8h30. Ça, ça causera, c'est 8h30. C'est ça qui est marqué à mon agenda. Mais à chaque semaine, c'est écrit deux fois. Genre, la vraie fois, puis la fois que c'est reporté. La feinte et la... donc, la semaine prochaine, Marie-Laurence. Oui. Nous, on va continuer tout à l'heure avec Master Steph. Oui. Mais avant ça, en musique, allons entendre Broncho. Bronco. Bronco, Broncho, Class Historian, tout de suite. Sur C'est fou, 89 FM. Elle est bonne. Historian par Bronco Brancho. Ah, son âge requis. Ah, je l'aime tellement. Ah, tellement. Ah, pareil, pareil comme la vraie. Dans quelques instants, Master Steph, la chronique où on cuisine la bouffe décadente du net. Mm-hmm. Ça s'en vient dans quoi? Deux instants. Ben, ouais, ouais, environ deux instants. Ça, c'est ça. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis en ce jeudi matin 13 novembre 2014. C'est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Plante. Oui. Il est seulement 8h25. What? Ça veut dire qu'il reste plein de temps devant nous. Oui. Une heure. Effectivement. Et cinq environ. Ouais, et haut et 4. Haut et 4. On vient de passer une minute, là. On a rempli notre temps. Non, c'est pas vrai, on n'a pas besoin de remplir notre temps. On a tellement de contenu, tellement de fun ensemble. Un peu comme je pourrais bien vous dire que les gars de Mashup, c'est pour remplir notre quota local. Parce que c'est un groupe local. Mais on n'a pas ça, un quota local. On les joue parce qu'on les aime, tu sais. Il y a ça. J'aurais pu faire la blague, mais là, les gens l'auraient pris au premier degré, tu sais. Mais c'est pas vrai, là. On les joue parce qu'on les aime. Les gars de Mashup, voici Altrock à de la shop. Ça, c'est fou. 89 FM. Sont encore arrivés. Faut la bête qui se grille, le truc est bien dans le coup. Les asseoir comme pour faire un assez chaud de bouquin. Avec les gars de Mashup. Avec les gars de Mashup. Deux ans moins quart, le truc est déjà stallé. Oui, c'est Frank qui l'a pas tanké. Ben, c'est toi qui pousse, man, c'est ben plate. Mais tu vas t'user sur l'asphalte. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Tu trottes des guns mashup, à soi la veille et à voler. Ha! Ça veut qu'approchez-vous du truck, les guns mashup. Faudra bien manger, on n'a pas une scène pour payer. Ni une ni deux, faudra bien qu'on souffre. Avant que la serveuse finisse, vous avez les gars de Mashup. Avec les gars de Mashup. On pousse trop fort pis on défonce le mur du bar. On burst up ain't not luck. On veut plus le stage, il reste juste le truck. 2, 3, 4, approchez-vous du truck. Tu trottes des gars de mashup, à soi la veille et à votre aide. Hot puisqu'il y a le monde du capot. Ça fait qu'approchez-vous du truck. Des gars de mashup. Avec la broche, la broche. Approchez-vous du truck. Si truck des gars de ma shop, à toi la veille et à votre aide. Hot, on va caler des shots. Bon, c'est pas même garder nos culottes. C'est pas garanti. C'est pas garanti. Les gars de ma shop et le truc de la shop à Assemblage requis. On est jeudi, habituellement ce serait le mercredi, là, vous êtes tous déboussolés, mais vous allez finir votre semaine en beauté, en nous entendant parler de bouffe et en peut-être en voulant vous-même essayer la recette à la fin de l'émission. En tout cas, non, en fait jamais, pendant qu'il y a des émissions, c'est fou, là, faites ça pendant qu'il y a des émissions qui ne sont pas avec des noms, là, mettons, sur le site. Là. Parce qu'il faut que vous écoutez, c'est fou tout le temps. Je m'en sors un peu. Donc voici la chronique Master Steph. We'll Master Steph, la chronique pour laquelle on cuisine la bouffe décadente du net. Une chance que ça existe. Parce que c'est bien beau, mes petits poissons oranges en biscuits que Marie-Laurence nous a laissés après sa chronique. Tu sais, les petits poissons fishes, là, genre? Ben oui, tout le monde c'est connaît bon. Ça. C'est bon, mais c'est pas Master Steph. Jamais été fan des petits poissons. Non, je les aime même. Mais on disait qu'il en manque au bacon. Fait qu'il en fasse au bacon. Peut-être, peut-être, effectivement. Oui. Écoute, Master Steph, aujourd'hui, je t'ai cooké quelque chose. Une vraie cook. Too many cooks, comme on dit. Ouais, c'est ça. Je t'ai fait du popcorn épicé caramel et bacon. Cool. Quoi? Je viens juste de mentionner mon bacon par hasard total. Complètement, genre, j'avais pas du tout vu la photo sur l'album, sur Facebook. Non, mais t'en as quand même parlé tantôt, là, oui. Des petits poissons au bacon. Ça, donc, c'est pas. C'est comme un hasard quand même, mais on sait que t'aimes le bacon. Mais tu sais, en même temps, ça vient de, tu viens d'éliminer comme deux personnes dans le monde au complet si tu parles de. Non, en fait, plus une religion. Mais. Mettons, ça élimine pas mal le monde. Mais sinon, tout le monde aime le bacon. Bref, popcorn épicé, caramel et bacon, c'est très, très simple. À faire. Donc, on peut, oui, se faire du popcorn cochon à la maison. Cochon comme du porc. Exactement, c'est du bacon. Donc, je vais vous présenter les ingrédients, bien entendu, la méthode pour le faire. Si vous voulez suivre à la maison, pas en voiture, s'il vous plaît. à la maison, vous pouvez aller sur la page Facebook d'Assemblage Requis. Vous allez dans les albums photos. C'est très important d'aller dans l'album et ensuite, on clique sur Master Steph. Et à la toute fin, on a la recette d'aujourd'hui. Je répète, qui est le popcorn épicé, caramel et bacon. Vous allez le voir de loin, ces photos. Je vous en passe un papier. Et tu dis de pas faire ça dans l'auto, mais pour vrai, si tu demandes la série sur l'iPhone, genre, fais-moi baver, c'est sûr qu'elle te montre des photos là, de ça. Là. Ouais, il faut quand même que tu regardes ton iPhone. Ben, ça peut être décrire, genre. Ah, peut-être. Donc, premièrement, ça prend 5 à 6 tranches de bacon. Là, c'est 5 con. 5 à 6 douzaines de tranches de bacon, tu viens de dire. Non, tranches. Là, c'est con, c'est 5 ou 6. Ben, c'est clair que j'en ai pris 6. Ben voyons donc. 5 ou 6. C'est n'importe quoi. Mmh. Ensuite, ça prend du vaporisateur à cuisson. Tu sais, comme l'huile en spray. Ils font certains appellent ça du PAM, mais. Mais c'est parce que tu peux avoir d'autres choses que du PAM. C'est en tout cas, du spray qui empêche de coller. Ensuite, 3 cuillères à soupe d'huile végétale. Une demi-tasse de grains de maïs non éclatés, non, des kernels. Kernel de popcorn? Mais en français, il n'y a pas vraiment de terme précis pour ça, donc c'est des grains de maïs non éclatés. Ouais. Ça se vend en vrac en passant dans... Dans un magasin de vrac quelconque? Pas juste dans un magasin de vrac, là, mais tu te sens en vrac aussi à l'épicerie. Là, donc, ça n'a pas besoin d'être dans des sacs. Ça revient tellement moins cher, puis c'est pas vraiment compliqué à faire éclater. Mmh. Tu peux mettre la saveur que tu veux. Ensuite, ça prend une cuillère à thé et demie de bicarbonate de soude, 3/4 de cuillère à thé de poivre de Cayenne, poivre de Cayenne, piment de Cayenne en passant, même chose. Okay. Si vous êtes mêlés, parce que j'ai été mêlée longtemps. Mmh. Mais c'est parce qu'en anglais, c'est pepper, qui est poivre et piment. Et piment. Un poivron, c'est piquant, genre. Donc, en français, on dirait qu'il y a juste les deux, tout simplement. Ouais. Ensuite, ça prend 3 tasses de sucre granulé. 3 cuillères à soupe de beurre non salé et 2 cuillères à thé de sel de mer fin. De beurre non salé que tu vas rajouter du sel de mer pour le rendre salé, j'imagine, peut-être. Mais c'est parce qu'en fait, je m'étais informée justement, je demandais pourquoi salé, non salé, puis on met du sel. En fait, c'est tout simplement pour être certain que ce soit clair pour la personne qui cuisine ou pour le pâtissier ou n'importe quoi, pour être certain d'avoir la bonne quantité de sel. Ah oui. Parce que si tu as du beurre salé puis que tu rajoutes pas de sel, donc on est sûr comme ça déjà avec le non salé que ce que tu rajoutes, c'était voulu et tu as exactement la bonne quantité. Ouais. Ta prononciation du mot salé devient de plus en plus trifluvienne, je trouve. Probablement que je me force vraiment beaucoup. Sûrement. Même j'étais à la maison puis je me force parce que je t'entends qui chiale puis ça m'énerve. Je chiale avec tellement d'affection, mais toi, tu sais. Donc, on commence maintenant avec les photos. On peut déjà aller avec les photos. La première, en fait, c'est la photo 0 parce que je l'ai rajoutée après. Ça me tentait pas de changer tous les chiffres. C'est le four, donc, ça. C'est pour réchauffer le four à 400. Et évidemment, Steph a suivi la directive des supérieurs qui est de faire un fichier Paint avec le chiffre 400 sur un four où il n'y a juste pas de température. Genre. Oui, c'est plus facile que de le prendre en photo à chaque fois. C'est bien drôle, allez voir. C'est pas plus facile. Non, OK. Ben c'est non. Plus drôle, par exemple. C'est ça. C'est ça. Ensuite, on change de photo, bien entendu. Allez, couvrir une plaque à cuisson de papier parchemin et y étendre le bacon côte à côte. C'est du gros bacon large. T'as pris du bacon. Bacon normal. Il a l'air plus large, non? Non, c'est du bacon traditionnel. Parfait. Et ensuite, tu peux changer de photo. cuire au four pendant 15 minutes jusqu'à ce qu'il soit doré et croustillant. Il a l'air doré et croustillant sur la photo, je te dirais. Quand même, hein? Il donne feu en tabarnouche. Donc, ensuite, on retire du four, bien entendu. On va placer sur un papier essuie-tout pour absorber l'excédent de gras. OK? Ouais. Et quand c'est refroidi, on coupe en petits dés. Ensuite, on met ça de côté. On va enduire légèrement une large spatule et un large bol à mélanger de vaporiseur à cuisson. Si vous n'avez pas de spray là avec du PAM, ça fait la même, prenez un essuie-tout, mettez un peu d'huile dessus, puis badigeonnez votre bol, votre spatule. Tu sais, fuck le vaporisateur, là, moi j'en ai pas, puis on s'arrange quand même. Ouais. Ensuite, tu peux changer de photo. C'est la première photo avec le maïs. Tu vas, dans un grand poêlon, tu vas chauffer l'huile à température médium élevée. Et tu vas ajouter les grains de maïs à éclater et recouvrir. Et tu vas toujours garder le poêlon en mouvement jusqu'à ce que les grains aient éclaté, OK? Ça dit environ 4 minutes. Je pense qu'on pourrait aller entendre un extrait. Qu'est-ce que t'en penses? En fait, on va aller regarder un extrait. On regarde ça à la radio. Du popcorn. C'est bon, on écoute ça. On écoute et on regarde. Moi, je trouve ça fascinant parce que j'ai un chaudron avec le couvercle en verre. Oui. Donc, on voit très bien le popcorn qui éclate. Donc, c'est l'idéal pour suivre la progression de son popcorn, pour être sûr qu'il brûle pas, qu'il est tout éclaté. Puis, on s'entend, c'est le fun à regarder. Oui, c'est super le fun. Et ton faux, ton rond est vraiment au maximum. Il est rouge, là, brûlant. Ah oh, ouais. Wow, ouais. Il est en feu. On y est pas avec le popcorn. Ah, voilà. Bon, il arrête de faire du bruit. C'est pas le projet de presse, hein? Donc, on peut constater la vidéo combien de temps, ça? Ça le dit pas, ça? Ouais, c'est à peu près gros max 2 minutes. Donc, 4 minutes, là, selon les instructions de la recette, c'est beaucoup trop. Votre popcorn va brûler. Ouais, la sirène qui part, d'ailleurs. Voilà, j'ai mis le feu. Donc, une fois que c'est cuit, on va transférer les grains éclatés dans le grand bol qu'on a huilé en prenant soin de retirer les grains qui n'ont pas éclaté, mais moi, j'en avais pas. Ah, aucun. Aucun, il a tout éclaté, puis il a même pas brûlé. J'étais. Parce qu'il restait devant, puis faut que tu le bouges tout le long, là. Donc, Oui, pour pas qu'il reste sur place, puisque les grains qui ont éclaté, ils risquent de brûler si tu les bouges pas. Ouais. Ensuite, on met le popcorn de côté, et dans un petit bol, tu peux regarder la prochaine photo. Photo 5 pour les gens qui suivent. On va mélanger ensemble le bicarbonate de soude et le poivre de cayenne. Là, il n'est pas mélangé, il est côte à côte, puis je trouvais ça beau. Il fait un yin-yang ou un logo de Firefox ou quelque chose comme ça. Pepsi. Oui, aussi, Pepsi, ouais. Ensuite, dans une casserole, tu peux changer de photo. Photo 6. On va combiner le sucre, le beurre, le sel et une demi-tasse d'eau. On va cuire à feu élevé sans mélanger. C'est très important parce que si on mélange, ça va faire des grumeaux de sucre et le caramel va être grumeleux. Et c'est vraiment pas ça qu'on veut. On mélange pas. On laisse ça comme ça. On peut changer de photo. J'ai 3 photos, donc on voit l'évolution. On voit que ça bouille. Et ensuite, on va laisser cuire jusqu'à ce que la mixture devienne un caramel léger doré. On change de photo. 8. Ça prend environ 10 minutes. OK. Ensuite, on va retirer du feu. On va mélanger précautionneusement dans le mélange de bicarbonate de soude et de poivre de cayenne. Le mélange va faire des bulles. Ça va brouter. C'est vrai que c'est beau, les petites bulles comme ça. Et ensuite, on va ajouter rapidement les morceaux de bacon. Moi, j'ai mis mon bacon avant dans le popcorn. Je me suis dit que si je le mélange dans le caramel, ça va être bien plus dur à mélanger. C'est quand même... C'est vrai. Ça fait que ça risquait de faire des moutons. Donc, j'ai mélangé avant dans mon popcorn. Ensuite, on ajoute le caramel sur le popcorn et on mélange comme une salade jusqu'à ce que le popcorn soit recouvert du caramel. Mais ça se peut pas, ça se peut pas que ce soit une recette qui se fasse pour vrai. Ça a l'air bien trop écœurant. Ah oui? Mais non. Et finalement, on va verser le popcorn sur une grande plaque à biscuits. C'est la dernière photo qu'on va recouvrir de papier parchemin. La plaque à biscuits, là, pas le popcorn. Et on va étendre et séparer en petits morceaux pendant que c'est encore tiède. Moi, j'ai un petit peu oublié cette étape-là. Donc, ça m'a fait une grosse brique de popcorn. Ben oui. Je l'ai pété en morceaux, là, mais c'est moins beau. Là. Mais c'est pas grave. Et on laisse refroidir à température de la pièce environ 15 minutes. Une fois que c'est refroidi, on va entreposer dans un contenant hermétique et le popcorn se garde jusqu'à 4 jours au réfrigérateur. Ah, c'est pas pire, ça, 4 jours. Mais c'est clair, ça dure pas 4 jours. Non, max malgré 2. Que c'est beaucoup caramel, fait que je sais pas. Donc, j'ai parlé du spray à cuisson qu'on pouvait remplacer par de l'huile et du Scott Towel, tout simplement, ou autre marque au hasard. Ensuite, il faut vraiment faire attention au temps de cuisson. Hein, mon popcorn a pas éclaté en 4 minutes, mais en moins de 2 minutes. Donc, faut être très attentif. Si vous avez pas de couvercle en verre, juste écoutez. Ouais. Tu sais, si ça pète plus, ben, tu l'enlèves. Ça finit là. Mais mettons, question de même, là, la raison pour laquelle on fait ça à partir des grains, on pourrait aussi le faire en sac, non? Le popcorn en tant que tel, c'est le reste du mélange qu'on devrait pas faire en sac. Parce que on peut pas, ça existe pas, ça. Ben non, tu peux pas vraiment prendre des graines de genre sac parce qu'ils sont déjà assaisonnés. Il y a déjà plein de sel puis plein de beurre dessus. C'est des genre ceux qui sont comme pour personnes avec plein de problèmes de santé puis qui sont. Il y a quand même plein de sel plein de beurre dedans. Okay. Donc, nous autres, on veut faire notre recette avec. Puis, c'est tellement pas compliqué. Non. Pour vrai, puis ça revient moins cher. Achetez-les pas en sac. Mais si vraiment tu veux, tu peux t'achètes des sacs en papier brun. Oui. Tu mets ton popcorn dedans, t'as juste à refermer le bout, tu peux le brocher, les agrafes vont au micro-ondes, tu peux envoyer ton set de papier brun dans le micro-ondes et ça fonctionne pareil. Quoi? Donc, tu peux le faire de cette façon-là. Ben voyons donc. Donc oui, je dis de surveiller vos temps de cuisson parce que le popcorn, ça dure moins longtemps. Vaut mieux qu'il y ait des grains qui n'aient pas éclaté que de brûler ceux qui ont éclaté. Ouais. Ensuite, pour le caramel, oui, on peut se fier aux 10 minutes, mais surveillez attentivement votre caramel. Personnellement, c'était ma première expérience de caramel. Puis à un moment donné, là, j'ai cligné des yeux. J'ai un petit peu brûlé mon caramel. Okay. Il est pas à son plein potentiel. Il était devenu brun foncé. J'ai cligné les yeux, puis il était rendu brun foncé. Ça arrive vraiment vite. Il y a un ninja qui est venu le faire brûler. Ah, c'est clair. C'est sûr qu'on va le ressentir au goût, qu'il va avoir un petit goût de brûlé. Puis je pouvais pas recommencer. J'avais plus de sucre. J'ai fait « fuck off ». Ça va quand même donner une idée de ce que c'est. Mais je te promets, Mathieu, que je vais t'en refaire si pas brûlé un jour. Si. Fait que, quand tu vas goûter, fais semblant qu'il est pas brûlé. Mais je suis sûr que si tu me l'avais pas dit, je m'en serais peut-être même pas rendu compte, puis j'aurais dit c'est la meilleure chose que j'ai jamais mangée. La meilleure! Mais si tu le feras pareil, là, t'as juste à faire vraiment semblant qu'il est pas brûlé. Okay. Mais c'est ça. Donc, on va prendre une petite pause en musique, Mathieu. Mmh. Qu'est-ce que t'en penses? Je suis pas d'accord. Et la pièce qu'on va entendre s'agence à merveille avec mon thème d'aujourd'hui, car en plus d'avoir fait du popcorn, je l'ai brûlé. On s'en va donc entendre Black Popcorn de Young Rival. We'll be right back. Young Rival avec Black Popcorn qui est en thématique avec la recette que j'ai fait dans Master Chef. Et oui, j'ai fait du popcorn brûlé. Là, je veux dire du popcorn épicé bacon et caramel ou caramel et bacon. Moi, je suis prête à goûter, même si j'ai un peu brûlé mon caramel. Ah, arrête d'en parler, je suis sûr que ça paraîtra même pas. Là, j'ai pris un bout avec du bacon. Moi aussi, on a fait exprès, on a fait attention. Tu sais, enfin, oui, on veut y goûter. On va sentir pour commencer. Hein. Ça sent quand même bon, là. Ça sent très bon, mais ça sent pas le bacon en tant que tel, je trouve. Ben non, c'est clair. Ça sent le caramel trop cuit. Pas brûlé, mais trop cuit, tu sais. Mais c'est une senteur que j'aime bien, quand même. Fait qu'on goûte à ça? On goûte, allons-y. Je sens le gras du bacon. Ouais. Oh, Oh, c'est épicé. Ok, je laisse bouger un peu dans ma bouche. T'as-tu du piment de Cayenne, toi? J'ai pas eu de piment de Cayenne. J'ai un petit peu de brûlé un peu. Ouais. Ah. Mais ça, j'aime bien, moi, cette saveur de brûlé-là. Ouais. Oh, j'ai hâte d'avoir le piment. Ok, oui. Ouh. Ah, c'est oui. En gorge. C'est juste une fois arrivé en gorge. Ça fait un petit wouh. Sur la langue, j'ai pas tellement goûté, mais... Moi, j'aime ça. T'aimes ça? Non, c'est un peu trop cuit. Puis moi, je pense que je préfère quand c'est sucré plutôt qu'épicé. Mais ça, je pense rendu là, c'est vraiment juste un goût personnel. Là. Parce qu'on s'entend, la recette, là, c'est cool. Là. Mm-hmm. C'est facile à faire si tu te lignes pas des yeux dans la vie. Moi, j'aime ça, je te le dis. Ah oui. Je suis sûr que quelques petites modifications dans ton exécution, puis ce serait la perfection totale. C'est du popcorn épicé, caramel et bacon. C'est clair que je vais refaire ça. Je vais modifier les ingrédients. Je vais m'amuser avec ça. Écoute, tu peux mettre tout ce que tu veux là, dans le caramel. Là. C'est tellement piquant à la fin. OK, si je fais un caramel salé, qu'est-ce que tu verrais à place du bacon? Plus de bacon. à place du bacon. Je sais pas. Des petites pépites de chocolat, peut-être? Peut-être. Je sais pas. Non, j'ai des rien. Des pépites de caramel. Ben, j'allais dire plus de moins du caramel. Mais c'est un caramel, en fait. Ça sert-tu à quelque chose? C'est ce qui m'est vraiment venu en tête, c'est du caramel. Des gros grains de sel. Ouais, c'est des caramels, c'est bon, ça. Ah oui, faire un beau caramel salé. Écoute, on va s'amuser avec ça. C'est facile de faire éclater son propre maïs et de mettre son caramel dessus. Tu mets ce que tu veux dedans, c'est plaisant. On aime ça. Bon, on voit qu'il y a une très bonne base dans ce que tu as fait là. Mais c'est vrai que le brûlé... Mon incompétence et mon manque de sucre. C'est ton manque d'expérience, mais c'est en même temps la raison même de faire des chroniques de cuisine, c'est d'apprendre. Exactement. Et vous allez faire la même chose. À la maison, vous allez peut-être pas assez cuire votre caramel. Peut-être que vous allez... Mais là, grâce à mon expérience à moi, vous allez pas le rater, votre caramel. Parce que vous savez. Je vous l'ai dit de pas cligner des yeux. Quand t'arrives à 8 minutes, là, aussitôt qu'il commence à changer de couleur, là, surveillez-le parce qu'il va se mettre à foncer très, très vite. Donc, vraiment, quand il est juste légèrement doré, mélangez tout de suite. Et on y va dans le popcorn! Faites la recette à deux et demandez à votre copain-copine de vous tenir les yeux ouverts. Je pense que c'est ça la meilleure affaire. Sinon, scotch tape, cure-dent, ça peut très bien fonctionner pour garder les yeux ouverts. C'est ça. Sinon, une photo de fille ou de gars tout nu, tu mets ça en avant du poêle. Puis là, ben, tu veux tellement regarder... les yeux ouverts, mais ça peut être dangereux de perdre l'attention sur le caramel. Un petit peu, hein? Pour compléter notre chronique, ta chronique, en fait, je me l'approprie pas du tout, là, mais Master Steph, on a les trucs et astuces. Attention. Bien sûr! Okay. Oh, trucs et astuces! Trucs et astuces! OK, c'est donc les trucs et astuces de Master Steph. Oui! Mathieu! Oui? Pour empêcher la cassonade de durcir, OK? Mais la cassonade finit souvent par se transformer en un gros bloc dur. T'achètes un nouveau sac. Ça, c'est... Non! Ça, c'est parce que vous n'avez pas de plat Tupperware. Peut-être que vous n'avez pas les moyens d'en acheter. Bon. Donc, j'ai un truc pour vous. Mais d'abord, pour faire ramollir la cassonade, hein, si elle est déjà dure, tu vas mettre dans le sac ou le pot dans lequel elle se trouve un morceau de pomme pendant 24 heures. Tu l'enlèves et ça va avoir ramolli. Puis, il goûte pas les pommes, là. Ben non. Et ensuite... Pour que ta cassonade reste souple et friable, tu vas mettre une guimauve dedans, tout simplement. Ça va absorber l'humidité. Sinon, ils ont des petits nounours là, dans les magasins là, en terre cuite là, qui va absorber l'humidité. Mais sinon, une guimauve, tout simplement, c'est encore moins dispendieux et on peut manger le reste du sac. Génial. De guimauve. Et oui, de cassonade. Et de cassonade. Parce que pour vrai, pomme, cassonade puis guimauve, tu mets ça ensemble dans une recette. Puis ça a l'air bon, hein? Ensuite, cuire des épis de maïs en grande quantité. Une petite astuce pour vos épluchettes de blé d'Inde. Je sais que c'est pas vraiment la saison, mais on a fait du maïs éclaté, donc maïs, blé d'Inde, même affaire. Ben oui. Donc, on va cuire les épis de maïs dans une glacière. Hein? Comment? Eh bien, tu vas déposer les épis dans une glacière propre, verser le contenu de quelques bouilloires, puis fermer le couvercle. Après une vingtaine de minutes, videz l'eau, laissez le couvercle fermé, le maïs restera chaud pendant 2 heures. Wow! Ça, c'est cool! Ben oui. Ensuite, si tu veux te faire un nettoyant à base de pelure d'agrumes et de vinaigre, donc si tu veux faire peut-être un peu quelque chose d'écolo, de peu dispendieux avec des restants à la maison, ben gardez vos pelures d'orange, de clémentine, de citron. C'est simple, tu les places dans un pot maçon et tu vas le remplir de vinaigre. Tu laisses le tout macérer sur le comptoir pendant 2 semaines. Ensuite, tu jettes les pelures, puis tu transfères le liquide dans une bouteille avec un bec vaporisateur. Et voilà, tu as un nettoyant tout usage très efficace, naturel, écologique et non toxique. En plus, ça sent vraiment bon. C'est entre autres un excellent nettoyant pour la cuisine car l'huile d'orange va dissoudre la graisse. Ah. C'est très intéressant. Oui. Et ça me fait penser un peu à un petit truc que j'ai fait à la maison. Tu sais, quand tu fais cuire du poisson, souvent, tu as une odeur qui reste quand même, qui va s'imprégner. J'ai fait beaucoup, beaucoup de nourriture lundi. Donc, il y avait comme plein d'odeurs qui se mélangeaient. Je trouvais pas ça nécessairement agréable. J'avais plus d'encens. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un chaudron avec de l'eau. J'ai mis des pelures de clémentine avec un bâton de cannelle. J'ai fait bouillir jusqu'à ce qu'il y ait presque plus d'eau. Et ça a envoyé une douce arôme d'agrumes et de cannelle dans tout l'appartement. Ça s'est vraiment répandu rapidement. Et même mon truc est arrivé. Tu as son nom à cannelle? Bon, ben victoire! Voilà. Ça a marché! C'est le même genre de truc que j'avais dit dans les instructions d'assemblage récemment sur la salle de bain, comme ça, chez quelqu'un qui n'a pas de parfum spray, là, de mettre quelque chose, du shampoing ou n'importe quoi dans de l'eau chaude, ben oui, dans l'évier. Pas. Ça prend de l'ampleur. C'est comme ça, l'eau chaude fait que ça s'évapore. Oui, ça s'envoie partout. Faut pas te péter dans la douche. Pas péter dans la douche. Ensuite, recycler son restant de mousseux. Un petit truc pour toi, si jamais tu as un restant de mousseux. Oui, mettons. S'il en reste, ça arrive jamais. Oui, c'est sûr. Si jamais vous n'avez pas terminé votre bouteille de mousseux et vous vous apprêtez à jeter le restant. Parce qu'un mousseux, ben, ça devient flat, contrairement à une bouteille de vin traditionnelle. Donc, recyclez-le plutôt. Tu vas transférer le reste de mousseux dans un pot maçon. Vive les pots maçons. Et attendez 6 mois. Tu vas avoir du vinaigre de champagne. Ben, voyons donc. Ben oui. C'est parfait, ça. Et avec ça, tu peux te faire plein de choses avec ton vinaigre de champagne. Wow. Et finalement, pour conserver son céleri plus longtemps, hein, le meilleur moyen de le conserver, son céleri au frigo, c'est de l'emballer dans du papier d'aluminium. Ah. Tout simplement. Okay. Il va rester plus croustillant, plus longtemps. Parce qu'on sait que ça vient mou vite, hein. Tu sais, tu prends ton céleri, puis là, il penche un petit peu sur le côté. Ouais, peut-être un petit twist dessus. Puis, Papier d'aluminium. Aluminium paper! Yes, aluminum pepper. Génial. Voilà. Super. Merci beaucoup, Steph. Ça me fait plaisir. C'était Master Steph et ses trucs et astuces. Trucs et astuces. Trucs et astuces. Trucs et astuces. On fait Master Steph tous les mercredis, habituellement, à 9h. Oui, mais je voulais comme... faire comme les autres, là, puis pas être dans la même case horaire. Il n'y a pas grand chronique qui a été dans sa case horaire cette semaine, je te dirais. Dans sa case horaire régulière. Mais bon, c'est comme ça. On aime ça de même. Ça met de la variété, ça met de la vie, ça met du piment de Cayenne. Ben dans oui, l'émission. Exactement. On continue en musique avec nos amis de Propofol. Voici La Rivière sur C'est Fou dans vos oreilles. Comme le fun, FM. popcorn, mais là, vous me prenez la bouche pleine de popcorn, là. Franchement. Pas très professionnel, ça, là. Au retour, le poste d'écoute à Sondage Requis avec Stéphanie Paradis. Et plus de bouchées de popcorn. Non. C'est pas en balance. Oui, oui. Assemblage requis est présenté par le service aux étudiants de l'UQTR. Vous êtes à Assemblage requis, l'émission matinale en pièces détachées. Elle est Stéphanie Paradis. Lui, c'est Mathieu Blanc. Ah, et qu'on a donc du plaisir dans cette émission matinale à tous les matins. Une chance que j'ai pas de bouton pour ouvrir ton micro. Ça a été le fun de m'entendre vraiment rater fort en faisant exprès pour te faire rire. Mais... Oh, maudit, joke de pète puis de rat, mais tellement. La maturité règne. Ou la fatigue. Ou les deux ensemble, parce que l'un n'exclut pas l'autre. C'est ça, les deux peuvent aller. Tu peux pas dire... elle arrive tout le temps en retard au travail, mais elle a une bonne alimentation. Parce que ça va juste pas ensemble. Ça n'a pas rapport. L'un n'exclut pas l'autre. C'est ça. Tu peux être une grosse torche, puis arriver en retard à la job, ou tu peux être à l'heure, puis une grosse torche, ou tu peux être à l'heure, puis manger bien. C'est vrai. Puis tu peux... Mais si on fait des commentaires sociaux, là, tu sais, des fois, les gens vont dire, tu sais, ah, il est, tu sais, d'une telle origine, puis après, ils vont dire, mais il est fin. Ou, tu sais, genre, il est gay, ouais, mais il est fin. Rapport, allô, bonjour. Aucun lien. Mais bon, c'est pas grave, on n'est pas là pour faire des commentaires sociaux, hein, sinon ça serait beaucoup trop pertinent. Non, on va pas commencer à être engagé. Ben voyons donc, c'est quoi, après ça on va se mettre à chanter puis à crier comme trio, là? C'est quoi l'affaire? C'est sacré poubelle, là. Non, c'est le moment, justement, d'entendre de la nouvelle musique. Ah ouais? C'est là que ça se passe. On entre, on pénètre à l'intérieur du poste d'écoute d'Assemblage Requis. Le poste d'écoute! La chronique dans laquelle je vais fouiller les nouveaux arrivages de C'est fou et je vous en ressors le meilleur. Je fais la job pour vous. Oui, t'es un filtre, un puisard, certains pourraient dire. Hey Mathieu, va-t'en faire un puisard? Non! Tu sais, moi, je me suis un peu approprié la chronique du poste d'écoute. Mais en fait, je te l'ai offert. Ouais, mais quand tu dis que tu vas pénétrer le poste d'écoute, est-ce que c'est comme une métaphore? En fait, c'est plus pour l'image d'insérer un CD dans un lecteur CD, mais tu fais vraiment ce que tu veux avec ça. Ah, OK. Oui, donc, le poste d'écoute aujourd'hui, je vais te faire entendre un maxi. Donc, on va l'entendre au complet parce qu'il y a seulement 4 pièces dessus. Leur pub m'énerve tellement, maxi. Ah, pas l'épicerie. Mais ça n'a pas rapport. OK. On écoute des tunes de pub d'épicerie. Hein? Ben, ouais, c'est ça la pire musique qu'il y a là-bas. Okay. Je sais pas. Je vais pas là. Ouais. Donc, aujourd'hui, je te présente un groupe qui a 88 j'aime sur Facebook. Ouh, donc c'est on dirait underground, je pense. Hein? C'est, 89 avec mon like à moi. Dorénavant, depuis ce matin. Donc, ouais. 89. Ils doivent capoter. Donc, ils vont t'écrire, ils vont t'envoyer un t-shirt. Donc, je te dirais que c'est quand même assez récent là, comme formation. Ouais. Là, quand t'es à 89, là, je veux dire, même tous tes chums ont pas eu le temps de liker. Là. C'est ça. Récent ou juste pas populaire du tout, même chez les gens qui vont l'écouter puis ils like pas, hein, ça se pourrait. Non, come on. Non, tu vas aller bon. Liker. OK, je vais aller liker ça, parfait. Donc, la formation que je te présente aujourd'hui, c'est Century Palm. Wow, est-ce que tu me dis Palm comme le surnom des palmarès? Donc, est-ce que c'est genre du soudoyage, soudoiement de... Exactement. Ah, ben quand même. Exactement. Donc, Century Palm qui nous a sorti son premier maxi. L'album est sorti le 16 octobre dernier, donc on est un petit peu en retard, là, mais à peine. Après. Presque un mois quand même. C'est comme du New Wave Punk Magic Pop Post-Punk. Ben oui. Non, c'est un mélange de punk, de pop et de New Wave. En vrai, je suis pas certaine pour le punk et pourtant, c'est ce qui ressort le plus. Peut-être que j'ai pas l'oreille punk. Normalement, je trippe pas sur ce genre de musique, mais ça, j'ai quand même bien apprécié. Donc, je vais te laisser écouter puis peut-être me dire ce que tu en retires de ce genre musical. Donc on se pénètre et on se retire, c'est ça? Exactement. Donc on commence tout de suite avec une première pièce et c'est Call the Reflection. Et ça, c'est de Century Palm et tout ça, c'est au poste d'écoute. C'est fou! 89 FM. C'était White Light de Century Paul, mais tout juste avant, dans le même bloc, on a entendu Cold Reflection. Alors, Mathieu, qu'en penses-tu? Ben, je suis allé liker ça sur Facebook, juste pour te dire. Bon, ils sont rendus à 90. Ouais. Allez liker ça, c'est vraiment bon. Je disais sur leur page que ça leur a coûté 170$ de shipping pour envoyer ça à toutes les radios campus. C'est intéressant à savoir. C'est un fait intéressant que leur Facebook m'a appris. Mais oui. Est-ce que t'as entendu le punk dans cette musique? Absolument pas. Mais en même temps, moi non plus, je suis pas un grand connaisseur. En fait, même que j'aime pas ça, genre, physiquement. Mais ça, moi, j'ai aimé ça. C'est punk. Et ça, j'ai aimé ça, donc ça doit pas être punk, hein, t'sais. Voilà. C'est ça qu'on se dit. Écoute, il y a peut-être des traces derrière le punk, tu sais. Comme dans une recette, il y a des traces de bacon. C'est ça, ça doit être des traces qu'on ne décèle pas. Exact. Si on regarde, écoute, la pochette de l'album, c'est très, je trouve ça vraiment le fun parce que c'est très linéaire et des points. J'ai fait ça au secondaire en art plastique. C'était des dessins avec juste des lignes et des points pour remplir. Mais j'aimerais savoir ton interprétation de l'image. Moi, j'avais l'impression, pour vous décrire vraiment, la moitié du haut de la pochette est complètement blanche. Le bas, c'est des lignes noires à peut-être un millimètre ou deux de distance. À l'horizontale. À l'horizontale. Et je trouve, on dirait des roches qui sont dessinées, mais on voit seulement la moitié. Donc, peut-être des montagnes. Ou peut-être des dunes de sable. Des dunes de sable. Sinon, ça pourrait être aussi des icebergs dans l'eau. Moi, c'est ça. Moi, je voyais de l'eau avec des icebergs. Mais c'est très symétrique. Très symétrique. Il y en a deux grosses montagnes en avant. Deux au centre, beaucoup plus petites. Et ensuite, trois très, très, très, très petites au loin. Et derrière, il n'y a rien d'autre que juste les lignes, la continuité des lignes. Chose fascinante. J'aimerais tant savoir c'est quoi. Moi, c'est bien. C'est peut-être des... Oh non, attends un peu, je le sais, c'est quoi. C'est quoi? Les deux en avant, c'est des genoux de filles pliées. Les deux dans le milieu, c'est ses seins, ouais. OK? Celui-là, au loin, c'est sa tête. Puis les deux petits, c'est comme ses coudes. Mais ça se peut vraiment bien, ça. Ça, tu penses? Ça se peut. Ben, allez voir sur la page Facebook, pour ceux qui ne comprennent pas trop, c'est la photo de couverture. C'est leur pochette d'album. Et soit en train d'accoucher, soit en train de... Avec du... dans le... Fait que la formation est originaire de Toronto et est constituée de Andrew Payne à la voix et à la guitare. André Doulaire, comment on l'appelle? Non, pas Payne demain. Non. Ensuite, de Alex Hamlin, je sais pas trop si c'est comme ça que ça se prononce. Jean-Bonlin. À la guitare. Sarah Ford au synthétiseur, Paul Lawton à la basse et Jesse Lucky ou Locke, Lucky. Oh, Jesse Lucky à la batterie. Lucky comme le frère de Thor. Le frère de Thor, de Thor, genre dans les films. Ouais, pas Thor comme terminé Thor. OK. Thor comme Thor, tout court. Et avec Happy, il n'y a pas de Lucky, il n'y a pas de Happy à côté. Parce que Happy et Lucky, Happy, Hugo, Lucky. Donc, on peut se procurer la version numérique de leur maxi pour seulement 5$ wow. Sur le Bandcamp. Alors, ça vaut quand même la peine, hein, à peine un peu plus de 1$ par chanson. Sinon, on peut aussi se procurer leur cassette. Ah. Il y a 100 copies de disponibles. C'est vraiment cool. Les cassettes, c'est super à la mode. On est toutes nostalgiques et on aimerait avoir une cassette de Century Palm. Tellement. Century Palm. Peut-être directement dans les Century Palms de C'est fou, on sait pas. On va voir. Maybe, probably. Je vais m'arranger pour que oui. J'ai des contacts. Il nous reste deux chansons. Je vais l'écrire au crayon feu de sa feuille, ça va passer. Ben, c'est ça. on le disait au début du bloc que c'était un maxi qu'on écoutait de 4 pièces. On va donc avoir la chance d'entendre tout l'album. Et un peu comme dans l'ancienne formule dont tu as parlé au début de ta chronique, l'ancienne formule du poste d'écoute, voyons, c'était qu'on jouait l'album dans l'ordre. Jusqu'à concurrence de 3 ou 4 pièces, celui-là serait un gagnant à l'époque parce qu'on aurait joué les 4 pièces au complet. Oui, ça aurait été rare, ça. Certainement. Ça. Moi, je suis déjà prête pour aller en entendre plus. Allons-y. J'en veux plus. Et on s'en va tout de suite entendre New Creation. Et tout ça, c'est de Century Palm au poste d'écoute. Assemblage requis. Yay! Yahoo! Do the Eater de Century Palm. Et tout juste avant, dans le même bloc, c'était New Creation. Et vous êtes toujours dans le poste d'écoute. Mais c'est pas mal la fin, parce qu'on a écouté le maxi complet. Mais si on voulait vous en faire entendre plus. On joue la première. Non. OK. Je sais pas laquelle est la meilleure. J'ai vraiment aimé celle qu'on vient d'entendre là. Je me rappelle d'avoir aimé la deuxième. La première, je me rappelle moins. La troisième, c'est moins. C'est juste parce que ça fait longtemps. C'est ça, c'est mêlant tout ça. Mais donc, c'était Century Palm. On les retrouve en lien sur la page d'Assemblage Requis. Je comprends mieux. Oui, oui, oui. Bien entendu. Si tout est là. Ah. Tout est là. Et sur assemblagerequis.com. On fait le poste d'écoute en fin d'émission les jeudis à 9h. Voilà. Merci. Ça, c'était à la bonne place. Oui, c'est vrai. C'est l'endroit destiné au poste d'écoute. Ça va être ça pour ça. On va passer avec une autre petite chanson, mais du francophone cette fois-ci, pour terminer presque l'émission, avant de laisser place aux filles de deux filles de style d'émission. 2-2-1, 2-2-1, 2-2-1. Pour l'instant, donc, on écoute Saint-Raymond, la nouvelle pièce de Caravane sur l'album Chien Noir. Tout de suite, sur C'est Fou. Raciste. Chien Noir. Chien Noir, ah, okay, excuse-moi. C'est comme Saint-Raymond. Elles sont-tu racistes à Saint-Raymond-de-Portneuf, la ville natale de Myriam Lortie, genre? Peut-être. Je la connais pas tant que ça, non. C'est super raciste. Chaque gorgée de rhum me ramène au début de nos histoires. Chaque gorgée de rhum me rappelle que c'est l'automne. J'ai plus envie de boire pour oublier qu'il faut recommencer. Je me fous des rockstars de fin de semaine, puis ce qu'ils pensent de moi. Caravane et la pièce Saint-Raymond à Assemblage Requis. C'est là-dessus que se termine notre très merveilleuse émission pour la semaine au complet. C'est triste. Hé, hey, la semaine! La semaine est finie pour nous autres! Mais on revient lundi entre 6h30 et 9h30 pour une autre semaine d'Assemblage requis. Soyez-y. À lundi, David Ferron et Alexandra Carignan sont là. Restez sur nos ondes. À 11h, c'est Dîner de con avec Danny Janvier. À 13h, Créateur de son, la série documentaire. À 14h, c'est la nouvelle émission L'heure de la pause, ou encore Le jour de paye, ou encore L'heure de la pause, ou Le jour de paye. Ça a changé de nom 3-4 fois, mais un des deux. Okay. Ça commence à 14h. Ensuite, le jour à 15h. De paye, c'est pas ingrateux. Oui, puis une barre de chocolat aux États-Unis. À 15h, c'est À livre ouvert, l'émission de littérature. À 16h, la rediffusion du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. À 19h, 13e étage, 21h, Radio Sonic, cifou.ca. Pour la programmation complète, assemblagerequis.com pour les notes de l'émission, les balados diffusion. Restez là parce que là, ça va être deux filles, deux styles, une émission. Two, two, one. Two, two, one. Two, two, one. Et merci Steph. Merci Mathieu. Merci Laurent Constantin. Oui. Marie-Laurence Audet. Oui. Et on se quitte sur une pièce de Noël. C'est À courir. Oh, je suis déjà essoufflé. C'est pas un bel effet sonore, ça. On passe tout le temps en place. Ah oui, donc. Tu sais, question que les filles se préparent. C'est pour... ça. Pour qu'elles puissent pas entrer dans le studio. OK, bye. Plus clair, il faudrait voir plus noir. Il faudrait voir la terre, il faudrait voir la mer. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre bout. L'autre bout du monde ne se trouve pas à l'autre.